Chapitre 8e. Les bêtes de Suzanne. On parla dans tout le pays comme d'un prodige des bêtes de Suzanne. Le jeune prince m'allait voir et les caressait. Il y avait là de belles vaches brunes, rousses, tachetées, qui eussent fait rêver Paul Potter et Rosa Bonheur. De petits ânes mutins, dressant leurs oreilles académiques, regardant de ça de là d'un air moqueur ceux qui se moquaient d'eux, car les ânes ne sont pas ce qu'un vain peuple pense. Ils se battaient héroïquement en duel avec leurs armes terribles. Des dindons aux belles crêtes rouges retombantes, tout étonnés de se trouver en si belle compagnie. Un paon qui se croyait le soleil en regardant les étoiles de sa queue épanouie. À côté des ânes d'Arcadie, des brebis d'Espagne et des agneaux à la mamelle. Une famille de chats, le père, la mère et quatre enfanchons, deux blancs et deux noirs, se roulant sur l'herbe, se mordillant et se griffaillant avec des pattes de velours et des dents de lait. Une chèvre tout affolée, qui dérobait d'une bouche gourmande les clochettes de la haie. Je ne parle pas du coq pompeux et des poules soumises qui cherchaient des perles dans le fumier, je veux dire des grains perdus. Des cochons, ces gentilshommes de la basse-cour, disent les Chinois, ces dénicheurs de truffes, disent les Périgourdins, ces philosophes habillés de soie fort estimés, depuis le bout du monde jusqu'à Saint-Ménehou. D'un épagneul et d'un bouledogue, celui-ci faisant la chasse aux gens, celui-là faisant la chasse aux perdreaux et aux lièvres. Toute une ménagère privée qui présenta ses compliments à Suzanne dans un langage abracadabrant, mais qu'elle comprit, non pas parce que les bêtes se comprennent entre elles, mais parce que Suzanne était une fille d'esprit sans le savoir. De sa belle main blanche un peu brûlée du soleil, elle flatta les vaches. Elle dit une parole d'encouragement à l'âne, son meilleur serviteur. Elle fouetta doucement avec une branche de lilas la chèvre espiègle. Elle prit deux petits chats noirs qu'elle mit sur ses épaules. Il n'est pas jusqu'à messieurs les cochons qu'elle ne daigna cajoler en égrenant des épis de blé mûr sous leurs groins chercheurs. Il y a des gens qui s'imaginent compromettre leur dignité en s'attardant une heure au milieu des bêtes. Suzanne avait trop d'esprit pour ne pas comprendre que tout ce qui respire sur la terre chante l'œuvre de Dieu. C'était un charmant spectacle de voir alors Suzanne comme une reine au milieu de ses courtisans. Elle conta au jeune prince toute l'histoire de la fée Aurore qui avait mangé sa pêche et qui lui avait donné une pantoufle brodée d'or, de perles et de diamants avec un cœur de saphir. Suzanne au coquelicot perdit tout le reste de son temps, dans cette journée si précieuse, à raconter à son ami Robert la visite de la fée. « Oh mon Dieu !» dit-elle tout atterrée en voyant disparaître le soleil. « C'en est fait. Avant un an, je ne puis plus rien souhaiter. » Elle en voulut un peu à son ami Robert qui l'avait amusé par ses jolis propos. « Après tout, lui dit-il, que vous manque-t-il donc ?»« Rien, » dit-elle. Et comme on n'est jamais content, pas plus content de tout que content de rien, elle dit en soupirant « Ah, si seulement je n'avais plus mes taches de rousseur !» Mais elle eut beau soupirer, l'heure des magies était passée, elle garda ses taches de rousseur. « Qu'est-ce que cela fait ?» dit son ami Robert. « Les abricots qui ont des taches de rousseur sont meilleurs que les autres. » Ce jour-là, le prince offrit à Suzanne une colombe qu'il avait blessée en tuant une bécasse. Suzanne apprivoisa sans peine la colombe, qui la suivit bientôt, perchée sur son épaule, dans toutes ses promenades rustiques. « Comment passez-vous votre temps ?» demanda Suzanne au prince. Il n'eut garde de se trahir. « Comme vous, Suzanne, je cultive mon champ et je vis de mon travail. Alors vous êtes aussi heureux que moi ?»« Oui, Suzanne. Et pourtant, il me semble que si Dieu m'entend, je serai plus heureux encore que je ne le suis. » Et il pensa qu'un jour, peut-être, Suzanne viendrait imprimer sa beauté si fraîche et si souriante dans son château gothique. Suzanne au coquelicot passa très gaiement cette belle année, vivant en pleine nature comme un oiseau du bon Dieu. Tout à l'espérance qui lui souriait, prenant son courage à deux mains pour travailler sans relâche et mériter le bonheur que lui promettait Robert. « Ah !» disait-elle souvent. « Je ne me contenterai plus de souhaiter des rubans et des bêtes. Je ferai le tour du monde. »